couverte par ses draps, main hésitante, les yeux si froids, lèvres tremblantes, très maladroites, prenant le manche de tous ses doigts. Couverte par sa honte, cœur affolé, paupières qui tombent, joues desséchées, veines qui succombent, corps échauffé quelques secondes, et elle part, elle part, sans de se revoir. Couverte par son sang, poignet cassé, c'est étincelant, sourire forcé, tête penchant, peau échantrée, couverte par la nuit, main saturée, voyant sa vie se défiler, prenant comme son lit le plancher, croyant rêver, et elle part, elle part, sans de se si blanche, très maladroit, coiffant sa frange de tous mes doigts, et je pleure, je meurs, je crois, pleure.